journaliste Ndiko Manyanga. Nous sommes vendredi 17 décembre 2021. Bienvenue en ce journal, l'édition de la mi-journée, dont voici d'abord la charpente. La création d'un nouveau centre de dépistage de Covid-19 à mairie de Bujumbura est saluée par les citadins. Ceux qui se sont confiés à nos reporters indiquent que cela leur permettra de ne pas faire de longs trajets et qu'il y ait assez de médicaments pour les cas positifs. Deux enfants jumeaux encore allaités sont dans les mains de la chef de colline Muturigwa, zone Minago de la commune et province de Lumonge depuis 3 jours. C'est après qu'une femme qui sert leur mère les ait abandonnés. Et la chronique environnement d'aujourd'hui axe sur les types d'engrais chimiques souvent utilisés pour la fertilisation du sol avec les explications de Christophe Ningeko, chercheur et enseignant à la faculté des sciences département de chimie à l'université du Burundi. Erika Dogo assure la mise en onde. Captez Isanganilo, écoutez la différence. L'augmentation du nombre de centres de dépistage à mairie de Bujumbura a été bien accueillie par certains des habitants des zones urbaines de Ngagara et Mutakura au nord de la ville de Bujumbura. Ceux qui se sont entretenus avec notre reporter ce vendredi affirmaient que cela leur permettra de ne pas faire de longs trajets et demandent qu'il y ait assez de médicaments pour les cas positifs au Covid-19. On les écoute. D'emblée, j'ai considéré que ça va faciliter les gens. D'abord, quand on a à se déplacer à une longue distance alors que l'on est malade, on a du mal. Mais quand on est là, donc on a à être dépisté tout près du domicile, ça aidera les gens à pouvoir être dépistés facilement. Une mesure d'accompagnement peut-être, est-ce que les médicaments sont près de ces centres-là. Alors là, quand on est dépisté, quand on a des médicaments tout près, là, on n'a pas autre chose à demander. Le reste, c'est pour le ministère à pouvoir prendre d'autres mesures qui pourraient nous aider. Vous voyez que nous portons des masques, nous lavons les mains. Côté de ces centres, peut-être on pourrait multiplier les lieux où on donc pour se laver. Ils ont diminué le trajet, maintenant c'est plus facile parce qu'ils ont mis un centre à Mutakura. C'est bien. Les gens passaient le temps sur les lignes, maintenant ce ne sera plus le cas. Il faut augmenter le nombre de médecins pour que tout le monde soit dépisté et continuer ses activités. C'est une bonne initiative car auparavant, les gens passaient beaucoup de temps pour être dépistés et certains même rentraient sans être dépistés. Avec ce centre, ça va être facile et je pense que ceux qui seront testés positifs auront facilement des médicaments. Propos recueillis par Jean-Marie Mayonga. L'énergie solaire n'est pas en soi chère. Ce qui est onéreux, ce sont les moyens de son stockage. Selon le docteur ingénieur Jean Bosco Nyondima, professeur d'université en sciences de l'ingénieur et de technologie, il recommande à l'État de continuer à multiplier l'énergie hydroélectrique pour atteindre la charge de base, un seuil énergétique permettant de distribuer directement l'énergie solaire dans le réseau électrique national. Avec cette réduction du coût de stockage de cette énergie solaire, cela permettrait son accessibilité, réduirait l'usage du charbon et du bois de chauffage dans la cuisson, même si, dit-il, le gaz reste adéquat. Suivez docteur ingénieur Jean Bosco Nyondima, expert en énergie renouvelable au micro d'Armel Motore. Ici en Afrique, ou bien aussi au Burundi, c'est que le solaire devient cher à cause du stockage. C'est pas les panneaux solaires qui sont chers. Quand tu utilises les batteries, les ondulés, tout ça, tu dois convertir du quoi continuer en courant alternatif en fonction du matériel que tu utilises dans ta maison. Donc, ce qui rend cher le solaire, c'est ça. C'est sûr que l'État doit quand même subventionner ce genre d'équipement pour que ça soit accessible à tout le monde. Une solution durable, c'est de rendre le réseau national stable, c'est-à-dire de produire avec l'hydroélectricité pour que le réseau national soit stable. Après, qu'on puisse alors produire avec du solaire pour juste compléter la demande ou bien la charge nationale. Donc là, on peut produire du solaire en abondance sans le stockage. Donc du solaire, en d'autres termes, moins cher. Dans ce cas, dans nos ménages, on peut faire la cuisson à l'aide des cuisinières, donc à l'aide des courants alternatifs. Donc là, on peut réduire l'usage des charbons, du bois de charbon pour la cuisson. Ça, c'est dans la zone urbaine. Parlons dans les zones rurales. On appelle ça les bougies, l'allumage à l'aide du pétrole. Donc tout ça, on peut les éradiquer en utilisant des kits solaires individuels en fonction des moyens. Parce que dans les zones rurales, la population n'a pas beaucoup de moyens, comme la population urbaine. Donc on peut utiliser les kits solaires individuels, par exemple, pour l'éclairage. Poursuivons ce journal avec la page environnement, voire du bois de chauffage n'est pas chose facile et dans certaines collines surplombant plutôt la vallée de Nyamuswaga, nous sommes en province Muyinga. Certains habitants de ces dernières affirment n'avoir jamais vu la tourbe qui est signalée. Cyprien Abdelimana, chef d'antenne provinciale de l'OPI à Muyinga, l'exploitation de la tourbe dans cette vallée pourrait être une réponse à la protection des arbres qui sont menacés, notamment par une forte poussée démographique. Pierre Clavin Barundi, depuis la plaine de Nyamuswaga. Le manque de bois de chauffage est un problème épineux pour les habitants des collines Jane et Kagou en commune Gasogwe, Gishambusha en commune Gacho côté Muyinga et Nyagatovu en commune Tangara de la province Ngozi. Un point commun pour ces collines, elles surplombent la vallée de Nyamuswaga. Faustine Nakiltimana de Nyagatovu en parle. Le problème de bois de chauffage est vraiment délicat. Ces derniers temps, on vivait grâce aux avocatiers. Mais maintenant, c'est fini. Quand on a du temps, on va fendre des fossiles d'un arbre appelé Umugoti, dans la vallée de Nyamuswaga. Nyamuswaga, une vallée regorgeant de la tourbe, jusqu'à présent ignorée par ses habitants, comme l'affirme cet homme de Nyagatovu. Nous avons toujours entendu qu'il y a de la tourbe, mais nous n'avons jamais vu ça. Selon Cyprien Avialimana, chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Muyinga, la pression démographique est une menace réelle pour les plantations d'arbres. Il fait savoir aussi que des coupes illicites d'arbres et l'exploitation illégale des minerais sont une autre menace, sans oublier des feux de brousse. Ce responsable de l'OBPE trouve que l'exploitation de la tourbe de Nyamuswaga pourrait donner un répit aux arbres. On pourrait remplacer le bois de chauffage avec la tourbe. Peut-être les années à venir, on pourra exploiter cette tourbe-là afin qu'elle soit utilisée comme voie de rechange pour ne pas chaque fois utiliser le bois de chauffage. Il indique que d'autres sources d'énergie, comme le biogaz, peuvent être envisagées dans le même souci. Depuis la plaine de Nyamuswaga, Pierre Claville Barundi, Radio Isanganiro. De Nyamuswaga, rendons-nous sur certaines collines des communes Gatara et Muruta en province Kayanza, qui sont coiffées d'arbres. L'exiguïté de terres cultivables pousse les agriculteurs à la déforestation, et cela se présente comme la cause principale de cette situation. Adeline Niyonsava, directeur du bureau en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza, demande à ses agriculteurs de planter des espèces d'arbres pouvant cohabiter avec les cultures, n'est-ce pas Patrick Sengiova? Certaines de ces collines qui affichent un déboisement sont surtout les collines de Muganza et Gwagongwe de la commune Muruta et en commune Gatara les collines Kigumbe, Murago et Kibalibali pour ne citer que celles-là. Les causes de son déboisement sont principalement l'exécuté des terres cultivables dit aussi peuplement, ce qui pousse certains agriculteurs à déchiffrer les espaces forestiers. Dans certaines localités de la province Kayanza, certains arbres sont aussi coupés par le bûcheron à la recherche des planches et d'autres à la recherche du charbon de chauffage. Bien qu'au niveau du bureau provincial en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza, l'on indique que le déboisement qui se fait en cette province ne soit pas beaucoup inquiétant. Le directeur de ce bureau appelle les agriculteurs qui déchiffrent les forêts à la recherche des terres cultivables à y planter des arbres qui cohabitent bien avec les cultures. Et au bûcheron, Adeline Niyonsava leur demande de remplacer les arbres coupés par d'autres, faute de quoi, ajoute-t-il, ils seront punis conformément à la loi. Même son de cloche chez Léon Simbisa Makoro, directeur provincial de l'Office burundais pour la protection de l'environnement antenne Kayanza. Celui-ci tranquillise que les jours à venir nuit, même les espaces ces nuits d'arbres seront reboisés. Surtout que témoigne Léon Sembisa Makoro, le projet du pays dénommé Ewe Burundi Rambaye, de même que d'autres projets et programmes des associations non gouvernementales intervenant à Kayanza dans le domaine de la protection de l'environnement, sont en train de développer beaucoup de pépinières des arbres de différentes espèces. Au niveau de l'OBP Kayanza et d'IDP Kayanza également, ils demandent à la population de bien entretenir et protéger les arbres afin de bien protéger également l'environnement. Depuis Kayanza, Patrick Kensengiva pour la radio Isanganilo. Merci à Patrick Kensengiva pour tous ces détails. Les Burundais sont appelés à respecter la politique du gouvernement de protéger l'environnement au moment où il existe des individus qui font le déboisement et qui ne remplacent pas les arbres coupés. Jado Ngurunziza, représentant de l'association des jeunes activistes pour la protection de l'environnement, Biratura Batkwese, appelle ces jeunes à doubler de vigilance pour la protection de l'environnement et les citoyens burundais de lutter contre les activités de déboisement. Suivez Jado Ngurunziza. La jeunesse du Burundi, ils ont déjà compris l'importance de la protection de l'environnement. C'est eux les responsables du développement à ce qui concerne la protection de l'environnement. Ils ont déjà compris l'importance de la protection de l'environnement et aussi l'importance du développement de notre pays. Je profite de cette opportunité pour leur demander de fournir beaucoup d'efforts là où ils habitent, là où ils travaillent. S'ils voient des gens qui sont en train de détruire l'environnement ou détruire les arbres, donc il faut signaler le gouvernement, il faut signaler l'administration. Je profite de cette opportunité pour remercier le gouvernement du Burundi. Ils ont mis une politique de si tu as besoin de couper les arbres, et c'est tes arbres, donc il faut demander la permission à l'administration. Et avant de demander la permission, il faut d'abord planter plus de 5 plants par hectare. Donc, mais la décision n'est pas praticable, mais nous espérons que petit à petit, ça va venir. Si l'environnement est protégé, là où nous habitons, c'est un environnement protégé dans tout le Burundi, et c'est un avenir du Burundi meilleur. Ce que je peux dire à la population burundaise, et si ils ont besoin de couper des arbres, il faut d'abord planter plus de 5 ou 10 avant de demander la permission de couper tes arbres. Donc essayons de planter les arbres avant de penser à les couper. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Lancement officiel l'après-midi de ce vendredi d'Isanganiro Award de 10e édition, laquelle est la compétition de musique burundaise. Aubin Niyonguru, président du comité d'organisation de cette activité, rappelle que la radio-télévision Isanganiro organise cette compétition dans l'intérêt de promouvoir la musique burundaise. Il interpelle les intervenants en ce domaine et les amateurs de la musique burundaise d'apporter leur soutien à cette activité. Suivez-le au micro d'Ornella Moucho. La particularité pour cette année, c'est justement d'abord le temps qu'on a voulu consacrer à cette activité. Il y en a beaucoup qui se plaignaient comme quoi on leur donnait peu de temps pour se préparer ou pour choisir des chansons qu'ils vont nous donner. Mais pour cette année, voilà, Isanganiro Award, 10e édition, s'est lancé déjà. Donc, je dirais même aux chanteurs, aux artistes qui ont la chance de produire des chansons durant ces 2 ou 3 semaines qui restent pour en finir avec l'année 2021, pour que leurs chansons soient parmi les autres qui s'enrôlent dans la compétition. Donc, pour dire qu'on s'est donné un temps suffisant, parce que la finale, si on estime les activités qu'on veut mener, ça sera au mois de mars. Mais on a voulu, bien sûr, y aller doucement, mais sûrement, avec cette édition. Quel est l'appel que vous lancez aux amateurs de la musique burundaise? On leur rappelle de rester à nos côtés. Il y a tous les intervenants dans le domaine de la culture, de la musique. On ne veut pas que notre musique soit seulement une musique qui est connue au niveau national. On veut que ça soit exporté partout, comme on voit d'ailleurs d'autres musiques, d'autres cultures qui sont connues ici au Burundi. Pourquoi pas la culture ou la musique burundaise ne peut pas être connue, disons, en Belgique, aux États-Unis ou partout d'ailleurs. Donc on appelle à tous les intervenants, que ce soit les producteurs, les musiciens, artistes confondus, toutes les catégories confondues, et les DJs, tout le monde qui se sent concerné, de rester à nos côtés durant ce long chemin qui vient de commencer, donc avec ce lancement de la 10e édition Isanganiro Award. C'était Aubin Niyonguru, président de la commission chargée de piloter L'Isanganiro Awa, des deux enfants, je vous le dis en titre, deux enfants jumeaux encore à l'été, ont été abandonnés par une femme qui serait leur mère en zone Minago de la commune et province de Lumongue. Il y a de cela trois semaines, la chef de la colline Muturigwa, où ses enfants ont été abandonnés, les a récupérés en attendant une décision conséquente. Au niveau de l'Observatoire Inéza des droits des enfants au Burundi, antenne provinciale de Lumongue, l'on conseille les parents à éviter de tels agissements punissables par la loi. Les détails avec Jean-Pierre Messaco. Une femme avec deux jumeaux encore à l'été s'est présentée dans un ménage de la colline Muturigwa en zone Minago le soir du 26 novembre dernier, se passant pour une personne cherchant à être hébergée cette nuit-là, selon des sources sur place confirmées par le chef de zone Minago. Cette femme s'est réveillée très tôt le matin et s'est en allée, laissant dans son ménage d'accueil ses deux petits jumeaux, selon Eli Roussoya, chef de zone Minago. Ce sera à partir de cette famille d'accueil que les deux enfants seront récupérés par le chef de colline Muturigwa en attendant que cette femme soit retrouvée. Une opération qui n'a pas encore abouti, selon le chef de zone Minago, qui informe que les deux enfants reste jusqu'à présent chez la responsable collinaire en attendant une décision de l'administration communale qui est informée du cas. Du côté de l'Observatoire Inéza des droits des enfants au Burundi, dans sa branche provinciale de Lumongue, l'on indique qu'aucune raison ne peut justifier cet abandon. Une femme qui met au monde un enfant doit en effet l'entretenir quelles que soient les conditions. Même en cas de pauvreté, pour nourrir leurs enfants, les parents doivent se faire aider par les voisins et doivent s'attendre à des poursuites judiciaires s'ils optent pour l'abandon. Jean-Pierre Misago de Lumongue, Radio Isanganiro. Avant la chronique environnement, parlons sport. Le prix du meilleur officiel de l'année 2021 de la Fédération internationale de l'automobile a été décerné au commissaire sportif burundais du club automobile du Burundi. Anselme Bigirimana a été choisi dans plus de 240 fédérations de l'automobile enregistrées au niveau mondial. Il a présidé le club automobile du Burundi depuis 1992 à 2013. Il a eu succès dans l'organisation de First Pearl of Africa Rally qui a eu lieu en Ouganda cette année. Radio Isanganiro, chronique environnement. Les types d'engrais chimiques souvent utilisés pour la fertilisation du sol sont principalement l'azote, le potassium et le phosphore. Ces engrais peuvent être utilisés en combinaison ou séparément selon les besoins de la place. Selon les besoins de la plante, plutôt. Explication de Christophe Ningueko, chercheur enseignant à la faculté des sciences département de chimie à l'université du Burundi. Selon lui, l'utilisation proportionnelle de ces engrais pousse le développement de la plante. La chronique environnement avec Lydie Gaimbat. Les engrais chimiques, souvent utilisés pour la fertilisation du sol et l'alimentation des plantes, sont de trois sortes, comme explique Christophe Ningueko, chercheur et enseignant à l'université du Burundi. Les types d'engrais qu'on utilise sont principalement de trois sortes. Il y a les engrais azotés, les engrais phosphatés et les engrais potassiques. Ce sont les trois principaux. On peut donner un exemple. Les engrais azotés, le sulfate d'ammonium, les engrais phosphatés, le phosphate d'ammonium, les engrais potassiques, le chlorure de potassium. Ces engrais peuvent être utilisés en combinaison ou l'un ou l'autre, selon les besoins de la plante, ajoute-t-il. Et ces engrais peuvent être utilisés en combinaison. On appelle les engrais ternaires s'ils sont utilisés à 3 ou binaires s'ils sont utilisés à 2. Ou ça peut arriver qu'on utilise l'un des trois. Ça dépend des besoins de la plante. Selon lui, ces engrais ont une grande importance, surtout pour accroître le rendement s'ils sont bien utilisés. Les plantes n'ont pas besoin ces différents engrais dans la même proportion. Alors c'est celui qui a sa plantation ou celui qui a son projet d'agriculture et va savoir le type d'engrais approprié suivant les plantations. Les teneurs élevées en acides comme l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique sont des effets négatifs qu'exposent ces engrais chimiques s'ils sont mal utilisés. Ce sera l'explication de Christophe Nyungeko, chercheur et enseignant à l'Université du Burundi, dans la prochaine chronique. Voilà, c'est sur cette chronique que se referme cette édition, mais à ceux-là qui viennent nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. La création de nouveaux centres de dépistage de Covid-19 en mairie de Bujumbura est saluée par les citadins. Ceux qui se sont confiés à nos reporters indiquent que cela leur permettra de ne pas faire des longs trajets et qu'il y ait assez de médicaments pour les cas positifs. Deux enfants jumeaux encore allaités sont dans les mains de la chef de colline Muturigwa en zone Minago de la commune et province de Mongue depuis 3 semaines. C'est après qu'une femme qui serait leur mère les ait abandonnés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Kouy maintenant pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobananga. Un bon après-midi à toutes et à tous.